Le soleil se fait timide, colore les ombres de l'arc-en-ciel. Regarde en toi, toi la suivre. Promis, juré, rien à cracher, que nos baisers pour se regarder. Que nos sourires pour nous éclairer. Si un jour la nuit s'éternise, que les heures s'écoulent sans rythme, offrons une nouvelle cadence, donne à l'avenir une nouvelle chance. En moi, tout se casse. Écoute les anges pour te guider. Trouve en toi la force pour exister. Promis, juré, rien à cracher. Que nos baisers pour se regarder. Promis, juré. Yeah.